أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. شيخ فيصل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Richesse, lien faveur ou soit lien malheur. Richesse, il y a une faveur qui Allah fin donne insan. Il y a deux qualités de richesse. Il y a richesse spirituelle et il y a richesse matérielle. Mais pour aujourd'hui, nous vous parlons seulement richesse matérielle. Comment nous connaissons richesse matérielle, c'est ça qui dans forme l'argent, la cour, à pancane, bis, camion, possède magasin, et a beaucoup bijoux, et a beaucoup récentes linges. Alors ça, c'est ce qu'on appelle richesse matérielle. Et quand des gens possèdent tout cela, ou une partie là-dedans, ils disent à l'argent. Et ils disent faire des efforts pour gagner ça l'argent là. Richesse matérielle, lui une grande faveur qui Allah le Créateur donne des gens. Il y a une grande faveur et il pourrait une grande faveur, mais avec certaines conditions. Sinon, il y a la même, il vient un malheur. Un malheur qui, si tant est grave, qui dit moun qui possède sa richesse là, l'eau la terre, l'eau la terre même, il peut souffrir par sa richesse là, et après la mort dans l'akhirat, il peut regretter beaucoup. Donc, qui sa bonne condition pour qui sa richesse là, sa richesse qui dit moun possède là, il y a une faveur qui Allah fin donne dit moun là, et il reste une faveur et dit moun là bénéficier avec sa richesse là dans dunya et dans akhirat. Qui sa bonne condition là? Première condition, c'est faudrait qui sa richesse qui dit moun possède là, les fins gagnées par les moyens qui Allah permet, par les moyens halal. Deuxième condition, pour qui sa richesse là, il y a une faveur, il reste une grande faveur qui Allah donne à l'insan, faudrait qu'il dit moun qui possède lui, servir dans place que Allah fin permet. Il servit dans façon qui Allah fin permet lui. Il ne faudrait pas qu'il dépense, il place sa richesse là, dans place qui Allah pas content. Troisième condition, il ne faudrait pas que sa richesse là empêche du monde pour observer le droit qui Allah est dans l'oli. Il ne faudrait pas que sa richesse là empêche du monde là pour faire ce devoir vis-à-vis ce Créateur. Quatrième condition, faudrait pas que sa richesse là empêche Dimoun là pour observer droit que les autres Dimoun en a l'oli. Faudrait pas que sa richesse là fait Dimoun là faire dominer avec les autres. Avec sa bonne condition là, richesse qui Dimoun fin gagner, il y a une grande faveur qui Allah fin donne dimoun là, et dimoun là li vous bénéficiez beaucoup avec sa richesse là le salaté à la même et aussi après la mort dans akhirat. Première condition, c'est faudrait qui richesse là fin gagner par moyen halal, par moyen qui Allah fin permet. Sinon, dimoun là, il peut souffrir, il peut regretter parce qu'il peut mériter punition d'Allah. Dans Surah Al-Baqarah, deuxième surah dans le Coran, ayat numéro 174, Allah subhanahu wa ta'ala dit: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. Certainement, ban qui cassiette ce qui Allah fait descendre depuis dans le livre, c'est-à-dire depuis dans le Coran, et par ça, je gagne un petit prix, c'est-à-dire mot sur l'asa. Saban là, je te pénèque, mais diffé dans votre vente. Get ban dimoun, qui peut ramasser casse, peut cacher la vérité qu'il y en a dans le Coran, peut cacher la vérité qu'il y en a dans le Coran, que Allah peut montrer, qui qualité iman, qui dimoun besoin en allo Allah, qui qualité confiance, qui dimoun besoin en allo Allah. Dimoun pas gain droit prier un autre à part Allah. Dimoun pas gain droit faire sijda, faire ruku pour un autre à part Allah. Ben dimoun qui peut cacher la vérité qu'il y a dans le Coran, pour qui je gagne un tigin casse avec ce groupe dimoun, ça ben dimoun là, même si nous trouvons autres péris dans zoli la case, péroul zoli le taux, je pénèque prépare diffé pour mettre dans votre vente. Dans surah An-Nisa, quatrième surah dans le Coran, ayat numéro 10, Allah subhanahu wa ta'ala dit: Inna alladhina ya'kuluna amwal al-yatama zulman, innama ya'kuluna fi butunihim nara, wa sayaslawna sa'ira. Certainement, ban qui mange du bien, ban au félin par injustice. Je t'ai peut mettre dans un vent diffé et je peux brûler dans un diffé, c'est-à-dire diffé l'enfer. Il y a un autre moyen encore qui dit moun ramasse fortune, ramasse richesse, un moyen haram, mais seulement ce moyen-là, il peut faire dit moun là regretter. Sa l'argent qui ramasse dans sa façon-là, Inch'Allah, dit moun là pour regretter parce qu'il l'épée prépare diffé pour mettre dans ce ventre. Donc, ban dimoun, qui le nom ban ofelin ban yatim, pe ramas l'argent, pour mettre dans construction zot la case, ou paste le taux, ou n'importe qui chose personnel pour zot, sa ban là, même si nous pétrou zot pe jouir sa l'argent là, pour un petit maman qui se pe jouir, je peux préparer 10 faits pour mettre dans votre vente. C'est Allah qui peut faire nous comme sa vérité là. Dans Surah 24, ayat numéro 19, Allah subhanahu wa ta'ala dit: Inna alladhina yuhibbuna an tashia al-fahishatu fil ladhina amanu lahum azabun alim fid dunya wal akhirah. Certainement, ban dimoun qui content, qui l'immoralité propagée, fanée parmi ban kena iman, pour sa ban dimoun là, en une punition dire dans dunya et dans akhirat. Ban dimoun qui pègue un casse, par moyen ban fille mal propre, per en zoli la case, per oul zoli le taux. Ça, pour un petit maman qui se peut jouir sa richesse qui se peut ramasser là. Ben, dimoun qui par moyen film, ben film mal propre, par une revue mal propre, par une photo mal propre, par une cassette, côté là fin enregistrer par une parole immoralité, par une santé porno, par une qui peut servir ça par un moyen là pour gagner casse. Et je peux gâter la société par une qui n'a iman, ça par là Allah Ta'ala peut faire connaître. Et une punition dire pour eux dans la dunya et dans l'akhirat. Comme ça même, ban dimoun qui peut organiser ban get together, ban picnic mix, la fin de l'année ou n'importe quelle occasion. Ça ban là, peut faire tout ça ban fête là, peut organiser tout ça ban quitte chose là, je peux inviter dimoun vers Al-Fahisha. Vers l'immoralité, vers quelque chose qui Allah subhanahu wa ta'ala pas content. Tout ça, ben, quelque chose là, pour donner l'élan, pour exciter ben jeunes surtout, vers sa grand péché qui appelle l'adultère. Puis invite du monde, puis incite du monde vers l'immoralité. Ben du monde qui peut content, ça va quelque chose mal propre là, fané parmi ban kena iman. Allah Ta'ala dit, pour ça ban là, il y a une punition dire dans la dunya et dans l'akhirat. Et remarque bien, Allah dit, fil ladhina amanu, parmi ban kena iman. Qui fait? Qui fait ban qui fan ça ban quelque chose mal propre là, parmi ban kena iman, je te mérite telle punition. Parce que ban qui peina iman, ça ban dimoun là, ça même ban qui hier je t'ai qualifié une certaine petite chose comme obscène, aujourd'hui je te appelle la mode. Ça même petite chose qui hier je t'ai qualifié comme obscène, aujourd'hui ça ban dimoun qui peine iman là, je t'appelle ça la mode. C'est qui hier ban là tu appelles l'adultère, vice et d'autres formes immoralité. Aujourd'hui, je t'appelle ça liberté et progrès. Comme ça même, Allah subhanahu wa ta'ala est spécifié. Parmi ban kena iman, parce que ban kena iman qui pour content amène un la vie propre. Donc, ban di moun qui peut rôde sale la vie ban kena iman, Allah fin promet un punition dire dans dunya et dans akhirat. Donc, chers frères et sœurs, ça ban moyen là. Ça ban moyen qui nous mentionnait là, vraiment permet une casse pour ban di moun. Ça ban moyen là, vraiment permet une richesse pour beaucoup di moun. Mais sa richesse là, pour faire sa ban di moun là regretter. Sa richesse là, qui peut gagner dans sa façon là, li pas une faveur d'Allah ça, y a une malheur. Dans Sourah 83, ayat numéro 1 jusqu'à ayat numéro 6. Allah Ta'ala dit: Wailul lil mutaffifin alladhina idha iktalu 'alan nasi yastawfun wa idha kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun liyawmin 'azim yawma yaqumun nasu li rabbil 'alamin. Allah peut dire dans ces trois ayats là: malheur à ban qui coquin le balance. Allah pe menace ban dimoun qui ramasse l'argent dans l'autre forme qui haram, qui Allah pas content. Malheur à sa ban dimoun qui coquin le balance là. Alladhina idha iktalu 'alan nasi yastawfun. Alladhina idha iktalu 'alan nasi yastawfun. Ça même ban qui quand je te pèse pour je t'acheter quelque chose pour je te prends je droit plein mais wa idha kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, quand je mesurer quand je te pèse pour vendre avec dimoun je coquin dimoun, c'est-à-dire quand je acheter je trouve je droit plein. Mais quand il a pour donner 10 moun ze droit, là ze coquin droit 10 moun. Allah qui dit après: Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun. Est-ce qui ça ban là? Je n'ai pas pensé qui j'étais là pour élever, c'est-à-dire qui Allah pour relever vous après la mort, le yaoumin azim, pour un grand jour. Je pourrais lever pour un grand jour. Qui ça joue là ça? Yaouma yaqoumun nasu li rabbil alamin. Zou ki ban dimoun pour dibouter, diva rabbul alamin. Zou ki tu ban insan pour présenter devant Allah. Et alors, Allah subhanahu wa ta'ala, me fait connaître qui? Sa façon de faire commerce là, qu'aucun le balance, qu'aucun droit d'immun, ça les haram. Et Allah qui peut menacer sa bande d'immun là, veut dire sous punition pour bien bien dire, même qui, d'immun là, quand il sévit sa moyen là, il est capable de gagner richesse, il est capable de acheter la cour, la case l'état peut arranger la vitesse, mais seulement sa richesse là, il n'est pas une faveur, il est un malheur. Dans hadith Bukhari, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il fait nous connaître qu'un dimoun qui mange l'argent l'intérêt, un dimoun qui mange l'intérêt, comme punition dans l'akhirat, il vous donne la rivière, dans cette niwaya, dire qu'il la rivière là pour rouge, comme a dit ça. Et certains riwayats disent qu'il peut donner la rivière, dit ça même. Ça, dit moun là, il peut naser dans sa la rivière là. Il peut naser jusqu'à ce qu'il vienne dans beau la rivière là. Et dans beau la rivière là, là, il y a un dimoun. Et avec ça, un deuxième dimoun là, il y a une pile rose. Il y a beaucoup rose avec lui. Ça dit moun qui peut nager dans sa la rivière là, elle y approche beau la rivière, il peut ouvrir sur la bouche. Les mêmes li ouvrir sur la bouche. Et ça l'autre dit moun qui peut débouter avec une pile rose là, il peut prendre un rose, il peut lancer dans sur la bouche. Et ça dit moun là, il peut tomber dans de l'eau, il peut réaller une certaine distance pour les sauver, comme on dit avec ça dit moun qui vient taper coup de rose là. Et après un moment, il pourrait nager pour lui revenir d'en bas encore. Léa lui vient d'en bas, lui même lui ouvert sur la bouche encore, et ça l'autre dit moun la relance avec un coup de rose dans sur la bouche, lui re-retourner encore, il y a dans la rivière là. Après un moment, lui re-retourner pour venir d'en bas. Comment lui vient d'en bas, ça n'a la relance lui à coup de rose, et ça peut continuer comme ça même. Chers frères et sœurs, c'est une vérité qui nous prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fin fait nous connaître. Moins de doute qui nous a dans la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous pas pour profiter. Nous pas pour profiter avec sa message que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin amené là. Allah qui vient prépare une variété de punitions pour des gens qui méritent lui. Et Allah même qui vient faire ce prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam connaît dans qui façon tel dimoun qui finit commet tel péché, dans qui façon il peut souffrir dans l'akhirat, qui punition il méritait. Donc pour un dimoun qui mange l'intérêt, Allah, qui qualité punition qui peut attendre dans l'akhirat, même qui sa dimoun là, dans Tigin l'étang, il peut réussir à ramasser beaucoup de casse. Et puis, il ramasse beaucoup de casse, il peut faire tout dunia avec sa casse là. Mais seulement, il n'est pas pour jouir sa casse là. S'il peut jouir, il prend un petit maman. Sa richesse là, pas une faveur ça, c'est un malheur. Parce qu'il finit de servir moyen qui Allah pas content pour gagner sa richesse là. Dans le hadith Bukhari, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit qui Allah ta'ala fin dit. C'est même qu'il appelle hadith Qudsi. Un hadith dans lequel le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit qui Allah fin dit telle quelque chose, ça appelle hadith Qudsi. Dans ce hadith Qudsi là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit qui Allah fin dit. Trois catégories d'immunes Moi, je discute avec Zodzur Qayamat. Avant qu'il n'aille plus devant avec ce hadith-là, chers frères et sœurs, comprends sa expression-là. Quand Allah peut dire trois dimoun, trois qualités dimoun, moi, je discute avec les Zodzur Qayamat. Mais dire quelle qualité? Péché grave. Qui s'abandonne dimoun a fait une faire pour qui Allah qui vous discute avec Zod. Et Allah pour dire la vérité. Allah pour faire la justice. Veut dire qu'il est insan qui Allah pour discuter avec lui, veut dire qu'il parle souffert à Zohr Qayamat. Un dans sa trois là, Allah Ta'ala dit, un dimoun qui fin emploi un autre dimoun pour travailler contre lui, il fin bénéficier dimoun là ce service, mais seulement il pas fin donner lui ce salaire. Veut dire un dimoun, il finit employé un kiken pour travailler côté lit dans ce la case, pour faire l'ouvrage, pour laver linge, pour nettoyer la case, pour laver bande vaisselle. Ou bien un dimoun qui finit employé un autre dans ce magasin, ou bien la boutique dans ce l'usine. Il finit profiter avec service sa travailler là, mais seulement arrive la fin du mois, il fait les signes 2000 et il vous donne les 6800. Il fait les signes 4000, il vous donne les 3000. Ça, 1000 là, il pour coquin. Ça, 1000 là, il pour amener la case. Ça, 1000 haram là, il pour ramasser dans des trois bananes par un joli la case. Richesse qui ramassait dans sa forme là pour le regretter après la mort. Richesse qui ramassait dans sa forme là pour faire dimoun là regretter après la mort au Qiyamah. Donc chers frères et sœurs, je veux dire ça aussi un moyen qui Allah pas content. Quand nous employons un dimoun, nous venons faire condition nous pour donner temps la fin du mois. Et nous finissons expliquer le travail, mais arrivé, soit qui la fin du mois nous donne moins qu'il nous dit, ou bien pendant qu'il fait travail, nous donne plus de travail qu'il nous dit, et la fin du mois nous pas pour augmenter ce salaire, nous donne pareil. C'est un zouloum, c'est un dominé qui nous peut faire, ça casse qui nous peut prendre pour ça, dit mon là. Nous pas pour jouir ça, parce qu'il n'y a pas une faveur à ça, il y a un malheur à ça. Dans le hadith muslim, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui coquin droit un musulman, et il fait un serment, c'est-à-dire il fait un serment pour faire du monde croire qu'il s'acquitte chose là pour lui. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah fait du fait une obligatoire pour lui. C'est-à-dire, il poil dans l'enfer. Et le prophète dit, Allah fait jannat haram pour lui. C'est-à-dire qu'il n'est pas pour rentrer dans jannat. Qui s'en là? Ça dit moun qui fait coquin droit à un musulman. Même s'il fait un serment. Et il connaît qu'il peut faire un faux serment. Il connaît, il peut faire serment pour lui gagner sa droit qui part pour lui là. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah fait du fait une obligatoire pour lui, c'est-à-dire du fait l'enfer. Et jannat haram pour lui. L'air ben sahaba fintan sa parole que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dit là. En parmi ben sahaba dit, wa in kana shay'an yasiran ya Rasulullah. Oh, messager d'Allah, même si une petite chose aussi finit arriver coquin, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, wa in qadiban min araq, même un petit branche pied, même un petit branche un pied, ça veut dire même si il finit coquin, dans sa façon là, il finit coquin, un petit bout de branche, pour ça aussi, il y a une punition pour gagner dans l'akhirat. Dans le hadith muslim, rapporté qu'une fois, Là, fin arrive la guerre, bataille de Khaybar. Un groupe de sahaba, un groupe de compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je peux parce que ben dimoun qui ne tombe infiniment. Alors je trouve un tel, je dis Fulan shahid, un tel film une shahid, un tel film une shahid. Je peux dire ça avec un contentement parce que ben sahaba qui connaît valait à l'amour un shahid. Jusqu'à ce que je finisse passe côté un dimoun, là je finisse passe côté San Allah et je finis dire encore pareil Fulan shahid. Un tel film une shahid. Mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'a fin tansa, il fin dit Kalla. Mais non. Inni ra'aytuhu fin nar. Certainement, mon fin trouve lui dans dix faits. Dans dix faits l'enfer. Qui fait Fi burdatin ghallaha ou aba'a. À cause, un linge qui dit un coquin avant qu'il t'y fait partage ban butin. Man butin que man nous connaît, man quelque chose qui nous gagne dans la guerre. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jiban la, non, sanala, non. Mou fin troubli dans dix faits. C'est-à-dire, Allah ta'ala fin montre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui sa dimoun la. Il peut gagner punition dans dix faits l'enfer qui fait parce qu'il est coquin en l'aise. Donc, chers frères et sœurs, get pour man petit quelque chose comme ça, c'est un dimoun fin coquin. Il n'est pas pour saper avec punition d'Allah. Mais calcul à ce terre. Ben travailler qui peut travailler. Dans un magasin ou bien l'usine. Je peux gagner beaucoup l'occasion pour qu'aucun ben l'article. Je peux gagner l'occasion pour qu'aucun des centaines de roupies. Ça ben dit moun là. Qui compte je t'en a pas le regretter après la mort. Ça ben qui peut qu'aucun. Peut travailler dans la case du moun. Ma propriété n'est pas là pour ouvrir la mort et tirer ce qui est capable de tirer. Surtout les propriétaires font oublier la clé dans la mort. Ban qui peut travailler, que ban dimoun peut gagner l'occasion, peut coquin soit casse ou bien ban zéfait. Ça ban là, je tenais un compte dire pour le régler auprès d'Allah, je qiyamat. Même qui, je peux own la case, je peux ramasser beaucoup casse dans sa façon là, peut astérer sans linge, l'aurait sans linge. Par moyen haram, sa richesse là, ça n'est pas une faveur, ça, mais il y a un malheur ça. Comme ça même, ban insan, ban locataire, qui repérisse dans la case, là je dis prends la case dans le commencement, je dis pépé par exemple 100 roupies, 100 roupies pour 4 la sam. Après 10, 15, 20 ans, les demandes d'augmentation, je te révisais. Je te révisais et je t'en ai toupé pour dire que la loi. Et la loi qu'a fait pour tous les autres. La loi qu'a fait pour tous les autres pour continuer à payer 100 roupies par mois, tandis que ça même la case qui me vient à Zodi les autres places capables de coûter 2000, 3000 roupies par mois. Mais seulement la loi qu'a fait nous connaît plein avec injustice. Mais ça ban dimoun qui pape donne droit aux autres propriétaires, ça ban casse qui zot pe coquin là, même qui kafir pe donne zot sa liberté là, sa casse là, pas pour jouir sa fortune là, ça c'est un malheur ça. Dans Hadith Bukhari, rapporté qu'une fois, des dimoun qui en discussion et de finmin que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pour que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mette la raison. Léa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin fini diazot ce qu'il n'a pas diazot. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Innama ana bashar monik en humain wa innahu ya'tini l'khasm en aban dimoun qui vina à moi فلعل بعضكم ان يكون ابلغ من بعض اي possible qui un parmi eux les plus con causé qui un l'autre فاحسب انه صادق يا لو mon pensé qu'il est dans la vérité il a raison فاقضي له بذلك يا لو me donne ce droit D'après ce qu'il peut dire moi, vous dites qu'il a raison. Et après, tant ce qu'il profite dire. فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ. Celui qui m'opédonien qui te sauve, qui passe au haq. M'opédonien qui te sauve, d'après ce qu'il finit dire moi, m'opédonien dit, mais c'est mal il connaît qui ça passe au haq ça, ça haq un autre musulman ça, eh bien, ça c'est un bout de fait. C'est un bout de fait qu'il peut prendre. Alors qu'il y prend lui ou bien qu'il y quitte lui. C'est-à-dire, ça dit moun là, quand quelqu'un peut donner lui, un qui, disons, peut faire la justice, un qui peut dresser une discussion qui finit arriver, là, il peut dire qu'il y a un tel, ça pour toi, ça. Mais si ça dit moun là connaît, qui ça quitte chose là, pas pour lui, même si ça habite là, peut dire oui. Mais si ça dit moun la connaît, qui ça quitte chose là pas pour lui, même si ça habite là, peut dire ah oui, ça bout la terre là pour toi ça, ça somme l'argent là pour toi ça. Mais dit moun la connaît qui ça, pas pour lui, il n'a pas gagné droit prendre lui. S'il peut prendre lui, il peut prendre un morceau de 10 fées. S'il peut prendre lui, il peut prendre un morceau de 10 fées. Il ne peut pas prendre fortune, il ne peut pas prendre richesse, mais il peut préparer azab pour lui-même. Il peut prendre 10 fées pour lui-même. Donc, ça dit moun qui la loi kafir peut donner lui qui te sauve, il peut faire la partage par exemple. Kafir peut donner plus qui un tel. Kafir peut donner raison. Mais si lui connaît les fins coquin, si lui connaît les coupables, si lui connaît les pas mérite ça qui te sauve, il pas gagne droit prendre lui, même si kafir peut dire lui prend lui. Sinon, il ne peut pas le regretter après la mort. L'eau, la terre, on a dit, vous avez gagné beaucoup la terre, vous avez gagné beaucoup toises, beaucoup arpents, par un moyen haram, par coquin. Comme par exemple, les maman, papa finit quitte l'héritage, frère qui plie faux, qui sert, il y a le côté notaire, soit il prend tout, bien il prend plus qu'il mérite. Ça insan, ça dit moun qui fait une coquin, même un toise ou bien la matière toise, il fin prend la terre qui n'est pas pour lui, puis en joli la case là, ça, sa fortune là, sa richesse là, pour le faire regretter après la mort. Dans un hadith d'un muslim, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit: Man akhadha shibran min al-ard bighayri haqqihi, celui qui prend un arpent, pas arpent, mais un arpent, une distance entre nos pouces avec nos petits doigts, celui qui prend un arpent la terre, sans ce droit, sans qu'il y mérite, tawwiqahu fi sab'i aradin yawm al-qiyamah, zu qiyamah. Prend tout sur les coups avec cette la terre. Avec cette la terre. Nous pas connu dans qui façon ça la terre là en cette qualité ou bien cette lèse prend tout les coups ça insan là, mais pas sa expression là, il est facile mou nous comprend qui ça pas pour faire li content sa jou quand la terre peut enveloppe sur les coups là jour qiyamah. Par sa expression là, nous pouvons comprendre qu'il dit moun là pour souffrir. Li pour souffrir jour qiyamah par sa bout la terre qui li fin coquin quand il est dans dunya. Un bout si li fin coquin, li pour souffrir, mais calcul ban qui peut coquin par toise, ban qui peut coquin par apan. Sa ban là, comment y a-t-il pour être, qui qualité de punition qu'il a pour gagner jour qiyamah. Donc, richesse qui ramassée dans sa façon là, il n'y a pas une faveur, ça, il y a un malheur. Dan hadis dalam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia, "Inna Allah wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maitah wal khinzir wal asnam." Certainement Allah et son messager sallallahu alaihi wasallam fin fait haram, fin fait illégal la vente divin, la vente en carcasse, veut dire un animaux qui Allah fin permet tout pour manger, mais l'inmo pas un labo naturel, c'est-à-dire pas fin fait zabah. Ça s'appelle maïta. La vente en maïta, les haram. La vente pauk, haram. La vente ban idole, tip-tip bien grand, haram. Veut dire, ban dimoun qui peut servir sa ban l'article là pour vendre pe ramasse casse. Commerce peut bien marcher avec sa ban l'article là. Peut réussir l'ovité, sa range la case l'étage. Peut acheter campement. Tout sa ban casse qui peut ramasser dans sa façon là. Ça, li pren faveur ça, li en malheur ça. Parce que sa moyen qui dit moun la peut servir, li pas un moyen qui Allah content. Un moyen qui Allah fin fait haram. Mais alors, sa richesse là, sa fortune qui insan peut ramasser dans sa façon là, li pas en faveur, mais li en malheur. Dans hadith dans Bukhari, rapporté qui أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم. Par rapport dans ce hadith là, peut dire que Rasulullah صلى الله عليه وسلم fin défend pour prendre prix 10 cents. Prix 10 cents. Nous connaissons quand nous coupons des animaux, 10 cents, ce 10 cents versé. Et il y a une sainte qui ramasse ces 10 cents là, laisse-les cailler. Il casse de sa 10 cents là dans le comptoir et après laisse le client fini, il peut donner lui et en retour il peut ramasser casse pour mener la case. Ça casse là pour pas le jouir ça. Casse là pour mener la case, pour mener malheur. Ça l'argent qui peut ramasser dans sa façon là, peut vendre 10 cents pour gagner casse. Ce n'est pas faveur d'Allah qui lui permet la case, il permet le malheur, qui lui peut le regretter plus tard. Dans le hadith dans Bukhari, rapporté qui anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam naha an thamanil kalb wa mahril baghi wa hulwanil kahin. Puis rapporté dans ce hadith là que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin défend prix en lycien. Ça veut dire qu'un dimoun n'y peut vendre lycien. Sa casse qui dit peut gagner là, pas propre ça. Sa casse qui dit pour ramasser là, pas faveur ça, malheur. Premier, c'est Femenul Kelb, prix un lycien. Deuxième, Mahril Bari, un mauvais madame, bien un mauvais tifi, qui peut prêter sur l'écho et en retour peut gagner casse. Sa casse là, pas faveur ça, pas bon casse ça. Il ne s'en a pas souffert avec sa casse là. Wa hulwan il kahin. Un troisième, quand un traiteur, un qui peut déclarer l'icône raib, un qui dit vini mo boudiao quand ou pou mou, vini mo boudiao si ou pou maye ou tifi avec un tel, c'est pas li pour reste bien ou bien non. Un qui peut embêter dimoun dans sa façon là, et en retour li peut gagner casse, pour y arranger la case l'étage. Pour lui rouler joli le taux, sa casse qui lui peut ramasser là, pas une faveur à ça, li un malheur à ça. Donc, chers frères et sœurs, passe à Détroit l'exemple là, nous fin comprendre. Comment y a, dix moun qui ramasse l'argent pas bon moyen qui Allah pas content, dix moun qui vin riche pas bon moyen qui Allah fin défend, zot richesse là, pas une faveur à ça, mais y a un malheur. Parmi les moyens qui Allah pas content, mais qui dit moun peut servir, et na qui peut préparer dix faits pour mettre dans ce ventre, comme nous finissons trouver dans l'exemple qui nous finit mentionner, et na qui peut le brûler dans dix faits l'enfer, et na qui Allah peut menacer aux autres, et na qui Allah peut discuter aux autres, ou qu'il y a Il y en a qui ont un coup de rose dans la bouche et qui ont nasé dans la rivière Dissan. Et il y en a qui sont là pour punir les autres. D'une façon qui n'a pas fait nous connaître à ce temps-là. Mais il fait nous connaître qu'il y a une punition pour tel tel dimoun dans Dunia et dans Akhirat. Donc, chers frères et sœurs, il ne faudrait pas qu'il nous gagne embêté par sa bonne moyen. Par sa bonne moyen qui est haram là. Sa bonne moyen qui Allah pas content là. Même qui nous peut trouver. Dimoun qui peut servir sa bonne moyen là. Peut gagner casse. Dans Tigin l'étang sur la casse béton, peut dibout. Dans Tigin l'étang, il finit récit gagner casse par le faire les tout dunia. Mais pas laisse nous gagner embêté par sa bonne là. Parce que sa richesse qui gagne dans sa façon là, il peut une faveur d'Allah ça. Il a un malheur. Et dimoun là, il peut regretter. Les Allah sa punition pour commencer à descendre au lit. Qu'il soit dans dunia ou bien dans akhirat. Je vais vous dire, dans le commencement, deuxième condition pour qui sa richesse-là lie une faveur d'Allah et lui reste une faveur d'Allah, il faudrait qu'il dise qui possède lui, lui place lui, là que Allah fin permet lui, lui servir lui dans façon qui Allah content, dans façon qui Allah fin permet lui. Comme par exemple, si un dimoun Allah fin donne richesse, fin donne fortune, premier normal, il dépense le soleil corps même. Allah panjali, tout ce qui te ina et insan, partage ban dimoun, non. Dimoun lui même il bénéficie avec ça. Avec sa richesse qu'Allah fin donne là, il bénéficie avec ça. Premier pour soleil corps même, il y a c'était bon manger, il manger. Ah, c'était bon quelque chose pour boire, quelque chose qu'Allah fait halal, il boit. Quelque chose qui va mettre confort pour lui, pour son écho, dans son case, il a acheté. Même si ça quelque chose là sert. Normal, sans qu'il y fait gaspillage, parce qu'Allah n'est pas content ben, qu'il fait gaspillage. Donc, il a droit à ça, insan là. Il a acheté bon manger, il a acheté bon quelque chose pour son écho, même premièrement. Dans le hadith, dans Bukhari, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Inna li jasadika alayka haqqan. Certainement, tous les corps ont un droit à l'autre. Certainement, tous les corps ont un droit à l'autre. Veut dire qui Allah ta'ala, il ne peut pas dire nous, si nous possédons richesse, partage bandimoun, fais-nous les corps souffert, mettez-les, désirez-nous les corps, partage tout ban miskin. Non, Allah pas nous donne nous pour faire ça. Il vient de nous richesse, nous servir lui, nous bénéficier avec lui, nous profiter avec lui dans façon qui Allah fin permet nous. Et après, nous get bandi moun dans nous la case. Nous dépense quelque chose pour eux autres. Ça aussi, ça dépense qui nous fait là. Une dépense qui Allah content. Quand nous passons quelque chose pour nous donner nous madame, nos enfants, linge, manger, boire et le confort en général. Toujours sans gaspillage, Allah Ta'ala content ça. Dans le hadith dans Bukhari, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Iza anfaqa al-muslim nafaqatan ala ahlihi wa huwa yahtasibuhu kanat lahu sadaqa. Quand un musulman lui fait qui dépense, dites bien que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit n'importe qui dépense, pas absolument une belle petite chose, un n'importe qui dépense, il fait une faire. L'autre famille, ça veut dire dans la case, bandimoun qui dans la case, sous madame's enfant, bien sous maman, papa qui est ensemble avec lui. Ça dépend ce qu'il fait là, mais avec une condition, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, wa huwa yahtasibuhu, veut dire, il peut faire sa dépense là, et il peut attendre quelque chose avec Allah. Il ne peut pas faire ça pour lui gagner l'honneur avec dimoun, non. Il peut faire une dépense, il peut nourrir sous madame's enfant, il peut acheter bon quelque chose, il peut donner zot. Allah finit de donner beaucoup de casse. Il peut acheter bon manger et donner madame's enfant. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Kanat lahu sadaqa. Sa bonne dépense, sa dépense qu'il fait là, ça vient un sadaqa pour lui. C'est-à-dire pour ça aussi, il peut gagner une récompense auprès d'Allah. Pour ça aussi, il peut gagner un sawab. C'est-à-dire ça aussi, Allah content. Sa dépense qu'il peut faire, l'eau bandimoun dans la case. Parce que quand il donne miskin en dehors, qu'il gagne sawab. Parce que quand il donne man étranger, man qui dans difficulté en dehors sur la case, les là qu'il gagne sawab. Mais non, dans sa richesse qu'il a fini de donner là, il donne une partie, il dépense le ban du monde dans sur la case. Il pas perdu quand il peut dépenser dans sur la case. Et aussi, si un dimoun dans sa famille est un ban pauvre, il ne faudrait pas qu'il tout le temps guette ban pauvre en dehors famille pour lui faire sadaqa. Dans le hadith dans Bukhari, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître qui un dimoun quand il dépensait l'eau un pauvre dans sa famille, il gagne double récompense. Parce que normalement, il y a un dimoun qui a tendance tout le temps pour dépenser avec ban pauvre qui est en dehors famille. Capable, sa propre cousine méritée, sa propre kala méritée, sa propre neveu méritée. Mais seulement, l'île bouge toujours, ben étranger. Il parle d'une telle organisation. Pourtant, dans sa famille, près avec lui, il connaît un tel qui pauvre. Peut-être qu'il, cousin qui pauvre là, ou bien nièce qui pauvre là, n'est pas peut oser ouvrir la bouche pour demander, mais si la personne trouvait qu'il y méritait, les dépenser dans la richesse qu'elle a fin de donner, dans du bien qu'elle a fin de donner. Les dépenser dans sa famille qui est pauvre là. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, les gagne double récompense. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, ajrul qaraba wa ajrul sadaqa. Les gagne récompense. Une récompense parce qu'il peut dépenser la famille, et les gagne récompense parce qu'il peut faire sadaqa. Guette comment le prophète finit expliquer, ça dit Moula gagne double récompense. Donc, nous trouvons, chers frères et sœurs, quand Dimoun est là, guette côté les places li. Les places li, les mêmes li pour profiter. Quand il peut placer dans une place, côté Allah content. Les mêmes pour gagner récompense d'Allah. Allah même connaît dans qui façon pour récompenser dans Dunya et dans Akhirat. Dans le hadith dans Bukhari, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit « Ana wa kafilu liyateem fil jannati hakadha wa ashara bis sababati wal wusta wa farraja baynahuma shay'an » Dans ce hadith là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit « Moi, avec celui qui prend compte un orphelin, nous pouvons ça dans Jannat. » Les prophètes ils disent « Nous pouvons ça, il finit de prendre sauter les doigts. » Il finit prendre sous l'index avec le majeur, il finit costelli, mais il finit quitter une petite distance en sade les doigts là. C'est pour montrer jusqu'à quel point il est pour près avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qu'il l'honneur, ça dit moula pour enada jannat. Quand il est pour près avec Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui s'en là? Celui qui finit prendre compte un yatim. Donc, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut montrer. Mais montre un musulman en général, et en particulier un qui Allah fin donne les richesses. Comment il a profité avec ses richesses? Il dépenser loin yatim, loin orphelin. Il était qui sa yatim là besoin? Même si sa yatim là pas perdre ce côté, il est capable d'une façon contribuer pour faire sa yatim là gagner quelque chose. C'est pas seulement se boire, se linge, se l'éducation profitable, se formation islamique. Ça dit que la richesse là, Allah a une place côté les capables, mais une partie sa richesse, côté sa richesse là, vient vraiment une faveur pour lui dans Dunya et dans Akhirat. Dans l'autre hadith dans Bukhari, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit As-sa'i ala al-armala wal-miskin kal-mujahidi fi sabilillah aw al-qa'im al-layl as-sa'im al-nahar. Celui qui fait des efforts pour aider un veuve et un pauvre, il paraît comme un mujahid, c'est-à-dire un qui peut faire jihad, fi sabilillah. Ou bien, il paraît comme un sadimoun qui dans la nuit peut faire namaz, tahajjud, et dans la journée, il peut garder rosa. Il y a un dimoun, quand il fait des efforts pour aider un veuve et un pauvre, il est sa valeur devant Allah. Un dimoun qui peut sacrifier sur l'argent, sur l'état, sur l'énergie pour aider un veuve et un pauvre, il paraît comme un mujahid dans le chemin Allah, ou bien

Dans le hadith Bukhari, rapporté qu'un sahabi qui s'appelle Ka'ab ibn Ujra, une fois, il dit avec un musulman qui s'appelle Abdurrahman ibn Abi Layla, il dit, oh, un tel, est-ce qu'il n'est pas content qu'il me donne un cadeau? Dans quelle façon, quelle qualité cadeau, quelle qualité cadeau que ben là tu peux offrir votre frère et soeur musulman. Ka'ab dit avec Abdurrahman, est-ce qu'il te parle qui me donne toi un cadeau qui me fait entendre avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Normal, Abdurrahman dit, mais oui, donne-moi cadeau là. Là, Ka'ab Jali, سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك كعب جلي تكوني أن فانو تجمن رسول الله صلى الله عليه وسلم نسجلي أو مساجد الله نكوني كما بزن فيه سلام مي كما نيه بزن انفاي دارود لو انفاي دارود سميم كان عرب أبل الصلاة على النبي كما نيه انفاي دارود لو لألا رسول الله صلى الله عليه وسلم تفنجينو دي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد Ô Allah, envoie ta bénédiction, le Muhammad, wa ala Ali Muhammad, et le famille Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim, paik matufin envoie bénédiction, le Ibrahim, wa ala Ali Ibrahim, et le famille Ibrahim, innaka hamidun majid. Vraiment, toi Allah, tu mérites tout louange, et toi, tu mérites tout gloire. Allahumma barik ala Muhammad, والله بني محمد وعلى آل محمد إيه لفاميد محمد كما باركت على إبراهيم بعد ما تفين بني إبراهيم وعلى آل إبراهيم إيه لفاميد إبراهيم إنك حميد مجيد certainement toi tu mérites tout louange et tu mérites tout gloire chers sœurs chers frères et sœurs guette dans qui façon qui qualité cadeau Get ki qualité cadeau ki ban sahaba ti be partage ban musulman. Et alors nous aussi, nous capables faire des efforts pour imiter, pour partager ban qualité cadeau là. Quelque chose qui vous fait en panne concernant parole Allah, concernant parole Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ou capable partager ça avec vos familles. Comment? Par moyen ou casse. Waste un livre concernant l'islam, waste un cassette là que tu finis enregistré, explication concernant parole Allah, finis enregistré la vie prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, finis enregistré parole prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, waste cassette, dans richesse qu'Allah finit de nous, waste cassette et ou donne aux cousines qui vous connaît les pauvres là. Ou donne aux tchatcha qui vous connaît les pauvres là. Ou pape seulement les pauvres. Ou connaît aux calou qui pas intéressé avec dîne là, les papes osé tchakas waste une cassette concernant dîne. Ou waste un ou djeli et tchatcha m'opé de nous sa cadeau. Et cousin, prends ça, toi écoute li, m'opé donne toi li cadeau. Et vous faire sa qualité dépense là, attend nous récompense avec Allah, pas attend quelque chose avec Dimoun là. Allah, qui qualité cadeau qui est capable d'offrir au prochain, que tu capable place ou l'argent, une partie ou fortune qu'Allah finit de nous, et au cas bénéficier avec ça dans Dunya et dans Akhirat. Et aussi dans l'occasion mariage surtout, une quelque chose qui normalement Dimoun pas faire, mais tiens bon si vous faites li. Get ban zelev Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Ka'b ibn Ujra ki kalite cadeau ki li peut offrir ban musulman Nous, aujourd'hui, quand nous faisons cadeau, tout le temps, les besoins d'enfants matériels, casse, broc, plateau, linge, souliers, savate. Il n'y a pas de fans, mais seulement pour nous gagner plus récompense avec richesse qui Allah fait de nous. À nous offrir un cadeau qui est un sahaba. Un bon sahaba qui peut offrir à un musulman. À nous faire des efforts pour imiter ce bon sahaba là dans la façon que je fais offrir un cadeau. Et une jolie occasion encore, c'est quand il y a un mariage. Pas tout le temps. Pas tout le temps, n'est-ce qu'on a acheté linge, la poudre, parfum, etc. pour donner un tel qui peut marier. Mais aussi, au de l'occasion, acheter une cassette concernant explication concernant dîme. Acheter une cassette là-dedans, une explication concernant dîme. Mettez-le dans sa cadeau qui vous peut faire un tel dans l'occasion de ce mariage. Même qu'il n'est pas intéressé avec dîme. Pas besoin au guet d'immune pour offrir les cadeaux. Même qui n'est pas intéressé avec Dine, qui connaît par sa une cassette ou des cassettes qui vous finissent de nid en cadeau dans l'occasion de son mariage, après un mois, ou après deux mois, ou après six mois, les voir les coups de cassette là, et après il bénéficie avec sa cassette là, ou connaît qui quand il récompense ou gagne auprès d'Allah. Donc, chers frères et sœurs, Allah, que nous capables, place une partie richesse qui Allah fin de nous et dans dunya même nous pouvons gagner sur récompense inshallah et dans akhirat aussi Allah subhanahu wa ta'ala fin prépare beaucoup récompense pour ban qui dépense de richesse pour ban qui place de richesse que Allah fin permet de que Allah content. Nous demandons avec Allah qu'Allah ta'ala aide nous s'il fin de nous richesse. Qu'Allah aide nous pour place sa richesse là, dans place qu'il est pour content, qui Allah subhanahu wa ta'ala fait sa richesse là, vienne en faveur pour nous et non pas un malheur. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawm إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.